The French Pod Audio Review. Let's start with the vocabulary. There is. Il y a. Someone. Quelqu'un. You. Vous. To be. Être. Nice. Gentil. Now, a bit faster. Nice. Gentil. To be. Être. Someone. Quelqu'un. There is. Il y a. Nice. Gentil. There is. Il y a. Nice. Gentil. Someone. Quelqu'un. You. Vous. Now, use the words in context. Il y a. There is a car. Il y a une voiture. Quelqu'un. There is someone here. Il y a quelqu'un ici. Être. She's beautiful. Elle est belle. Vous. You are French. Vous êtes français. Gentil. You are really nice. Tu es vraiment gentil. Il y a. There is a car. Il y a une voiture. Quelqu'un. There is someone here. Il y a quelqu'un ici. Vous. You are French. Vous êtes français.